fait hors du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Sera fait hors du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Dans mon verre, y'a pas la petite cerise ni l'ombrella. J'suis pas de ceux qui ont le bras long, j'l'ai suffisamment pour me branler. Cherche la conspi, ombrella. On est là, là, dans l'ombre là. Trop de cons prélasse, brusse les ondes, se lasse en ombre hélas. Pour avancer, j'ai les points pour mes frères, j'ai le cœur. J'milite comme le Che Guevara. J'ai trop de convictions, d'inspiration. J'ai vécu des rêves, le tout dans le shaker. On concocte nos cocktails, faire bouger les foules comme Mick Jagger. Mon rap arrive dépouillé, bouilleux, les cheveux mi-longs. Vas-y, range tes billets, nous tout ce qu'on veut, c'est le dilon. Si j'fais le bilan, moi le son, je le pète comme un pilon. J'ai l'arôme narguilé, pas de cigare ou d'arbidon. Cherche pas à grappiller, t'atteindras pas le million. Ta meuf peut se rhabiller, nous piller de mignons. Combien se sont grillés comme boulettes sur nylon. Va te faire enculer, je vais pas courir à reculons. Sera péteur du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit en mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Sera péteur du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit en mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Achète nos disques ou qu'il est chaud. On se fout des sous et des belles fours. Rap même pour les sourds. Faire de la soupe pour un peu d'or, non pas question. Content dès lors que sort ma base de vos caissons, hey. Fourre ça dans le PC, hésite pas à monter le son, hein. Faites ça ce soir, c'est champagne dans les tessons, ouais, ouais. Protège ton front, faut te prendre un coup de chaud. Dernièrement la mode est au mauvais fond. Vrai ou faux, hey, fiston. J't'avoue que moi aussi j'm'y perds. J'noie le doux dans la liqueur et vomis sur vos lières. Insoumis comme mon père, c'est héréditaire. Faut-il que tes R-I-N-I-T-A réitère. Frappé hors du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Frappé hors du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Je vais faire du rap en Santiago. Défier la norme, présenté comme 27 fois Santac, glissé à Santiago. Sous ce son, je danse un tango avec ou sans tago. Je bouffe un truc comme Americano, comme sous taco. Je veux qu'on rentre dans tes majors, compte subliminable. Sur les ondes, y'a que ton rap ciblé mais nul. Conspiration pour un rap multicultural, loin des multinationales. Ça peu importe l'époque, porte message subliminal. De quelqu'un comme moi, lèche, cette pas le cul de Tom. Fier d'être membre intègre d'un Croustone. Matra même, j'fais nos cocktails comme Croustone. Suite à première pierre, j'garde mon genre custom. Des groupes donnent, j'ai le blues, même les cousses dorment. En concert, le mec à la cool run. Les mouvements de full scogne, old school comme Fendi, S, good mode. J'allume la mèche sans peine, sans dégoût de mordre. Tant requin là, enseignant j'en chie. Le temps me requin que sache qu'on enseigne ensuite. Qu'existent les tendres dingues, pas de cendre s'ensuit. Qu'une soirée mesquinde aux gens chie qu'on est en gigo. Dans le froid sans suite, il est d'art le gain. Une angine le teint, aux couleurs arlequin. J'marche dans le chewing gum, diva d'art de gain. Mode en sitcom, et là me parle crainte. Frappé hors du circuit, bien, respecte-le comme tel. On détroit mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Vous les musiciens, vous faites pas de bons conspirateurs, vous êtes trop musicaux. Frappé hors du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit en mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails. Frappé hors du circuit, bien, respecte-le comme tel. On me détroit en mon destin, hein. Ok mais auquel okay. T'éclatin, t'es bordel, car ta coque tes hôtels. Ce soir mon copain, on fait nos propres cocktails.